Виртуале. Вирте виртуале. Méchant ce que j'ai dit. Ouais, pardon. Ah, écoute bien la radio, ils vont chanter une chanson. Hein.